Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et nous sommes le mercredi 20 mars et c'est le printemps. Ça y est, on dit au revoir à l'hiver. Bonjour au printemps, aux fleurs et aux arbres qui bourgeonnent. Ça va nous faire du bien au moral, surtout avec le temps qui fait en plus aujourd'hui. On en parlera plus tard, mais on commence tout de suite en souhaitant une bonne fête au Herbert. Ça vient du germanique signifiant soldat galore. Les Herbert possèdent un charme discret et leur attitude est tout à la fois stricte et sélective. Ils passent aisément pour des êtres froids et hautains alors qu'ils sont en réalité réservés et inquiets. S'ils se montrent distants de prime abord, c'est sans doute parce que leur pudeur, leur méfiance et leur timidité les paralysent quelque peu. Pourtant, une fois rassurés sur l'authenticité de leur protagoniste, ils s'avèrent agréables, sociables et profonds. Les Herbert manquent de confiance en eux-mêmes, mais peuvent le compenser par un comportement d'autosatisfaction. Leur caractère est affirmé, leur attitude directe et franche. Parfois même, ils seront capables de rigidité et d'autoritarisme. Volontaires, actifs, ambitieux, ils ont une capacité de travail importante et ont tendance à compter avec le temps. Ils peuvent mobiliser leur énergie dans la poursuite d'un objectif qui leur tient à cœur et s'avéreront matérialistes et égocentriques. Leur esprit est rationnel et logique et ils savent organiser, gérer et administrer. Le mélange d'influences contraires peut parfois les amener à être partagés entre extraverts et introversion, générosité et avarice. Et nous fêtons également aujourd'hui les Alexandra, ça vient du grec signifiant défense de l'humanité. Alexandra est une femme de caractère. En effet, sa personnalité est très forte et elle n'a rien à envier aux représentants du sexe masculin. Comme eux, elle est ambitieuse, courageuse, impatiente, autoritaire même. Elle a besoin de combattre et de se dépenser physiquement. Dotée de qualités, plus fréquemment attribuées aux hommes qu'aux femmes, elle est franche, droite, brusque, orgueilleuse, entêtée et loyale. Elle sait saisir les opportunités lorsqu'elle se présente. Tact, tolérance, passivité, douceur et faiblesse lui sont inconnues. Malgré tout, elle cache émotivité et sensibilité et face à l'adversité, notamment lors de crises affectives, elle a tendance à se refermer sur elle-même et à s'affoler. Bien que matérialiste et concernée par l'argent, elle n'en demeure pas moins généreuse et capable de sacrifices, que ce soit pour les êtres qu'elle aime, ou pour les causes qui la touchent. Dicton du jour, quand il gèle le 20 mars, il gèle toute l'année. Bon, bah, espérons que ce soit pas le cas, parce qu'il y a un petit peu gelé aujourd'hui. Dans les célébrations internationales, aujourd'hui c'est la journée mondiale du conte. Alors le conte écrit C-O-N-T-E, initié par la Suède en 1991. C'est la journée internationale de la francophonie, journée mondiale du bonheur depuis le 20 mars 2013, journée internationale sans viande, journée internationale du macaron, et en Tunisie, c'est la fête de l'indépendance. Et dans les événements qui se sont déroulés, un 20 mars, en 1956, après l'autonomie interne, la Tunisie obtenait son indépendance totale. En 1965, France Gall gagnait l'Eurovision pour le Luxembourg avec Poupée de cire, Poupée de son. Et en 1974, c'était la sortie des valseuses de Bertrand Blier. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale. Et je vous parlais du printemps, et bien on va s'écouter un titre qui sent bon l'été. C'est Pedro Capó avec son titre Calma. Welcome to the paradise. Far. Quatre abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas. Echa que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Duro ese movimiento, el único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. La pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Desde la isla del encanto, Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Pedro Capó avec son titre Calma sur RGM. Un peu plus de 8h38, on fait un point sur tous ceux qui sont nés un 20 mars. Et je vais prendre ma respiration parce qu'il y en a un paquet ce matin. Allez, on commence en ce 20 mars avec la naissance en 1922 de Carl Reiner, acteur américain connu pour son rôle de Saul Bloom dans Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13 ainsi que dans Ocean's 8, sorti tout récemment. 1932, naissance de Marthe Villalonga, actrice française vue dans Un éléphant, ça trompe énormément. Diabolomante, Le coup du sirocco dans le rôle de Marguerite Narboni, Inspecteur la bavure, Banzai, Trois hommes et un couffin, L'union sacrée dans le rôle de Blanche Atlan, Au secours, J'ai 30 ans, Les Dalton, Comme t'y es belle, Ne le dis à personne, Superchondriaque, Brillantissime, la série télé Maggie où elle interprétait Rose Le Plouanec, l'assistante ménagère, vue également dans la série Docteur Sylvestre entre 1999 et 2001 dans le rôle d'Hélène Danton, vue aussi dans Kaamelott, Scène de ménage ou encore Nos chers voisins. 1943, naissance de Danielle Gilbert, animatrice télé française. 1950, naissance de William Hurt, acteur américain vu dans Le baiser de la femme araignée dans le rôle de Luis Molina, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur, vu également dans AI, Intelligence artificielle, Le village, Into the Wild, L'incroyable Hulk ainsi que Captain America Civil War et Avengers Infinity War dans le rôle du secrétaire d'État Thaddeus Ross alias Thunderbolt. 1957, naissance de Spike Lee, scénariste, réalisateur, producteur américain qui l'on doit Malcolm X, Inside Man, L'homme de l'intérieur, Black Klansman, sorti l'année dernière, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, récompensé au Festival de Cannes 2018 par le Grand Prix et récompensé également par l'Oscar du meilleur scénario adapté. 1958, naissance de Lee Hunter, actrice américaine, vue dans La leçon de piano dans le rôle d'Ada McGrath, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans La firme ou encore Oh Brother. 1962, naissance de Stephen Sommers, réalisateur, scénariste, producteur américain. Réalisateur et scénariste de La Momie, ainsi que Le Retour de la Momie, scénariste et producteur du film Le Roi Scorpion, producteur de La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon et du Roi Scorpion 2, réalisateur et producteur de G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. 1963, naissance de David Thewlis, acteur britannique, vu dans Naked, s'étant au Tibet dans le rôle de Peter Hochnetter, dans la saga des Harry Potter, à partir d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, dans le rôle de Remus Lupin, vu également dans Basic Instinct 2, dans Wonder Woman, ainsi que Justice League, dans le rôle d'Ares. 1967, naissance de Xavier Beauvois, acteur français, vu dans Arsène Lupin, Disco, ou encore Chocolat, dans le rôle du directeur de Félix Potin. 1969, naissance de Fabien Galthié, ancien joueur de rugby français, ayant fait carrière de 1986 à 2003, en jouant à Colomiers au Stade français. Il est devenu ensuite entraîneur en 2004, de 2004 à 2008 du Stade français, de 2010 à 2014 de Montpellier et entre 2017 et 2018 de l'équipe de Toulon. 1970, naissance de Michael Rapaport, acteur américain vu dans Hitch, expert en séduction, Sully et la série Prison Break dans le rôle de Donald Self. 1973, naissance d'Harry Roselmack, journaliste français, présentateur télé également. 1979, naissance de Faustine Bollard, journaliste, animatrice télé française, qui a présenté pendant de nombreuses années Le Meilleur Pâtissier, et depuis 2017, elle présente Ça Commence Aujourd'hui. 1983, naissance de Michael Cassidy, acteur américain, connu pour son rôle de Zach Stevens dans la série télé Newport Beach, et vu également dans les séries Smallville ou encore Scandale. 1986, naissance de Ruby Rose, mannequin et actrice australienne, vue dans Resident Evil, chapitre final dans le rôle d'Abigail, dans Triple X Reactivated dans le rôle d'Adèle Wolf, Pitch Perfect 3, la série à succès Orange is the New Black dans le rôle de Stella Carlin, et vu également dans les séries Arrow et Supergirl dans le rôle de Batwoman, de son vrai nom Kate Kane. 1989, naissance de Xavier Dolan, réalisateur scénariste québécois, à qui l'on doit J'ai tué ma mère, Laurence Anyways et Ma vie avec John F. Donovan, qui est sorti ou qui va sortir, non, qui est sorti au cinéma. La même année, naissait Jean-Charles Valadon, archer français, qui fut sacré vice-champion olympique en individuel en 2016 à Rio. 1991, naissance d'Alexis Pinturo, skieur alpin français, champion du monde du combiné en 2019. Il est par ailleurs le seul skieur français de l'histoire à avoir remporté la Coupe du monde de combiné en 2016, 2017 et 2019, celui comptant le plus grand nombre de victoires en Coupe du Monde avec 23 et le quatrième skieur alpin à totaliser 3 médailles olympiques. Et on termine en 1993 avec la naissance de Sloane Stephens, joueuse de tennis américaine, professionnelle depuis 2009, qui était numéro 3 mondial en 2018, qui a gagné une fois l'US Open, une fois finaliste à Roland-Garros, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Wimbledon et qui a remporté une Fed Cup en 2017. Et avant de faire une pause musicale, on va faire un point sur les sorties ciné. On commence avec le film Us, thriller, épouvante, horreur de Jordan Peele avec Lupita Nyong'o, Winston Duke ou encore Elizabeth Moss. Autre film, Dernier Amour, un drame historique de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon, Stacy Martin et Valeria Golino. Autre film, Walter, comédie de Varant Soudjian avec Isaka Sawadogo, Alban Ivanov ou encore Judith Elzain. Autre film, Du miel plein la tête, un drame comédie de Till Schweiger avec Nick Nolte, Matt Dillon ou encore Emily Mortimer. Et enfin, dernier film, Qui m'aime me suit, comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Fro ou encore Bernard Lecoq. Allez, je vais faire une petite pause, je vais boire un coup, reprendre mon souffle et on s'écoute tout de suite. Allez, Patrick Fiori avec Les gens qu'on aime. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. ce matin j'ai bien plus cher à faire. Bam dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire c'est important, les dire avant tant qu'il est temps. On veut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est important, le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève. Bandabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime, trouver les phrases, trouver le temps, qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime, comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps. Et voilà pour Patrick Fiori avec son titre « Les gens qu'on aime hein, », c'est pas mal du tout. Allez, on est toujours sur le 107, il est un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Eh bien la météo, ce sera du grand soleil aujourd'hui avec des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 10 et 12 degrés pour cet après-midi. Jeudi et vendredi resteront des journées très ensoleillées avec pour jeudi des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés le matin, entre 12 et 14 degrés pour jeudi après-midi, et vendredi des températures qui devraient être dans le positif le matin, entre 1 et 2 degrés et entre 13 et jusqu'à 15 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du cyclisme et le Tirreno Adriatico qui s'est terminé hier et qui a vu la victoire de Primoz Roglic qui remporte le Tirreno Adriatico pour une seconde devant Adam Yates. Les Français Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe se sont classés 5e et 6e. Un mot de tennis avec le tournoi de Miami où aucun match n'a eu lieu apparemment hier. Ils ont tous été reportés. Donc on retrouvera Tsonga face à Cuevas aujourd'hui, mais également, normalement, Jérémy Chardy opposé à Jarry. Et côté féminin, on retrouvera un Pauline Parmentier opposé à Gasparian, Mladenovic à Wang. Et il y aura également Alizé Cornet face à Lapko. Alors, avec tous ces matchs reportés, je ne sais pas s'ils vont réussir à tous les disputer aujourd'hui. On verra bien ça demain. Un mot de basket avec en NBA cette nuit la défaite de l'équipe de Charlotte, 114 à 118 face à l'équipe de Philadelphie. 9 points et 4 rebonds pour Nicolas Batum. À noter que Tony Parker était absent pour raisons personnelles. On parle hockey sur glace avec les playoffs de la Ligue Magnus avant de retrouver notre équipe d'Épinal avec ses playoffs de Détroit ce samedi d'ailleurs à la patinoire de Poissompré. Eh bien, on s'intéresse à la série entre Rouen et Gap et entre Grenoble et Amiens. Hier soir, c'était le match numéro 3 et Rouen s'est imposé dans la difficulté après prolongation à Gap, 5 buts à 4. Et Grenoble a été un véritable rouleau compresseur à Amiens en s'imposant 7 à 3. Rouen et Grenoble mènent donc les demi-finales 3 à 0 et ils auront l'occasion de terminer ces demi-finales dès ce soir. Et on va parler de l'équipe de France. Philippe Bozon a dévoilé sa liste de 48 joueurs pré-convoqués pour les championnats du monde. Mais à noter que ce sera sans Antoine Roussel, qui s'est malheureusement blessé avec son équipe de NHL et qui sera absent malheureusement plusieurs mois. Coup dur pour l'équipe de France. Et à noter que dans ces pré-convoqués figurent 7 Bordelais, 5 Rouennais et 7 Grenoblois. Rien que ça. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va marquer notre dernière pause musicale et on va s'écouter Les Enfoirés avec leur titre On Trace. Mille avant nous ont voulu laisser leur trace. Ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface. Dieu, j'en ai connu. On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins. C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir. Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain on gagne, demain nos maintenues. On trace. Et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien. C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues. Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain on gagne, demain nos mains tenues. On trace, trace, on trace, trace, on trace, trace, on trace, trace. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, tout simplement. Ensemble, ensemble, ensemble, ensemble. On trace les enfoirés sur RGM. Il est presque 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien, on va faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h. Ce sera Regarde ailleurs. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 16h, 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.